Exercice 8, page 29. A. Une hôtesse antipathique. Transformer. Cette hôtesse est antipathique. B. Une artiste originale. Transformer. Cette artiste est originale. C. Une enseignante attentive. Transformer. Cette enseignante est attentive. D. Une avocate objective. Transformer. Cette avocate est objective.